À 19h pile, voici le générique de Ça ira mieux demain. Un roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise. Il y a quelqu'un. Salut. Pourquoi t'es venu ici? Tout va bien. Alors il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoûté. Dis donc, t'as vachement bien géré. Et maintenant ou jamais. Ça ira mieux demain. L'émission. Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Ne laisse rien faire obstacle à ce qu'il fait vibrer. Soyez à mes côtés. Bienvenue au palais. Mais il n'y a rien que tu désires vraiment plus que tout au monde. Ça ira mieux demain. L'émission. Fadjet. Ça ira mieux demain. L'émission. Que la fête commence, les amis. C'est parti pour un nouveau Ça ira mieux demain l'émission et je fais un petit coucou à France qui nous écoute et qui répond à nos questions et qui va dans notre mémoire pour répondre, voilà, quand on a des petits soucis de mémoire. Et quand je parlais de Didier Barbelivien et que je cherchais quelqu'un, un chanteur avec qui il avait beaucoup écrit et oui, avec d'ailleurs il avait fait un duo, il s'agissait de Félix Gray. Alors celui-là, je l'avais totalement zappé. Eh moi aussi, mais je savais bien que Didier Barbelivien, il avait écrit plein de chansons pour quelqu'un. C'était un peu son poulain. Et voilà. Donc tout ça pour revenir sur le nouveau Sardou, qui est finalement pas si mal que ça, mais qui fait bien non, années. Ça va, moi aussi, je l'ai bien aimé. Qui fait bien années 90 quand même. Vous êtes faillot sur les bords. Ou... Non mais maintenant, faut que j'apprenne. France, écoute. Et on aime bien Michel Sardou. Ah ouais, super. D'ailleurs, je pense que Manon, ce sera son choix de la semaine prochaine. Hein, ah, un petit Michel Sardou. Oui, là. Hein, oh, les faillots. Michel Sardou, ce sera bien. J'en ai croisé des faillots, alors les deux là. Ah là, j'ai chargé. Hein. Ah ouais, il a chargé et il a bien chargé. Et c'est le choix de Manon. Alors, le choix de Manon, voilà. Pour tout vous dire, Manon m'a dit, j'ai aucune idée, alors fais-moi découvrir. Ah non, un cette truc. Semaine, j'avais pas d'idée pour la musique. J'ai relancé deux fois pourtant et j'ai pas eu de pouce. Moi. Donc, elle m'a carrément dit, je ne sais pas, fais-moi découvrir quelque chose. Alors, j'ai quand même été. Vous savez que moi, j'aime bien jouer avec l'actualité. Et j'ai trouvé une chanson totalement de circonstance parce qu'elle est déprimante à souhait. Donc, ça, c'est pour moi. Et elle est aussi de circonstance parce qu'elle s'appelle Black Friday. Et aujourd'hui, c'est le Black Friday. Oh là là. Ouais, je sais, elle est nulle. Hein, elle est nulle. Non. 35 ans de radio. 35 ans de radio pour le jour du Black Friday, arriver à vous trouver une chanson qui s'appelle Black Friday. C'était pas facile quand même. Hein. Elle est récente, elle est sortie quand? Elle est assez récente. Et c'est Tomodel. Tomodel, ouais, qu'on ouais. Connaît bien, Tomodel. Ah qu'est-ce oui. Qu'il a fait, Tomodel? Bah, il a fait Top Model. Hein, Tomodel. Another Love, nanana. Très connue, la chanson Another Love. Ah oui, alors ça nous a aidé là. Ah oui. Si ah, si, another j'ai. Love, another ah, tu chantes trop bien. Ouais. Ouais, je pense que là, la pluie, on n'a pas fini. Mais je vais faire la Starac l'année ouais, prochaine. Ouais, je pense. T'as bien l'âge en plus. Ouais. J'ai bien. Bon, allez, on écoute ce nouveau modèle là. Voilà. Bon, bref. Celle-là, elle est arrivée. Tom Model avec Black Friday. Alors. J'ai regardé un peu les, j'ai écouté un peu les paroles parce qu'il parle pas du tout du Black Friday. C'est pas une chanson qui vante les mérites de cette journée folle où oui des on prix va, des on, prix cassés des non prix c'est cassés, pas ça. On va tout acheter. Ça serait un peu bizarre une chanson sur parce toi. Que, ouais, je me dis c'est quand même un peu bizarre. Non, et en fait non, le pauvre Tom Odell, il a dû lui arriver quelque chose. Voilà, il s'est fait larguer le jour du Black Friday. Donc comme tout était cassé, il n'y a pas que les prix qui étaient cassés pour lui, il y a aussi son amour. Donc c'est un peu là-dessus, il a dû vouloir jouer. Donc c'est triste à souhait, c'est comme ma journée. Voici Tom Odell, le choix de Manon, qui était libre. Et donc je lui propose son Black Friday. En tout cas, ça coûte moins cher. Thank you. happy, could you show me how it's done? You look so pretty, pretty like the sun. I could watch forever while you shine on everyone. It's Black Friday, I'm in a black taxi. You take my hand and hold it gently on the middle seat. It's all in my head, it's all in my mind. I'm so selfish, you're so kind. It's all in my head, maybe I can't breathe. I look in the mirror, what has happened to me? I feel adrenaline. It's Black Friday, the end of the week. Take my hand and hold it gently up against your cheek. It's all in my head, it's all in my mind. I see the Ça ira mieux demain, l'émission qui vous donne de la joie, du bonheur et l'envie de chercher une corde. Tom Odell, Black Friday. Je valide sa chanson, très bon choix, je la connaissais. Non, oui. Non, j'aime beaucoup. Moi, je valide pas. Une chanson donc, que l'on retrouve beaucoup sur TikTok, me disait Manon en antenne. Bah, c'est comme ça que j'ai découverte. Hein. Voilà, ah, d'accord. Parce d'accord. Que tous les, mais tu sauras, Laurent, que c'est... tous les tubes actuels que oui, tu regardes dans le classement vient, français, vient de TikTok, oui. Ou même ailleurs, d'ailleurs, viennent des chansons, des petits bouts de TikTok. Donc, tu es en train de me dire que là, il faut que je crée un compte Destination Série sur TikTok. Voilà, exactement. Et si tu commences à fredonner des trucs, ou voilà, tu, et là, ça... Comment, Laurent, comment faire reconnaître Tom Anders et Florian Silberstein Silberhausen. Silberhausen. Oui. Voilà, en faisant des trucs TikTok. Si ça passait sur TikTok, tu verrais le truc. Voum. Bon, allez, cette semaine, je lance une chaîne Destination Série sur TikTok. Hop, on y va. Hein, voilà. Comme si on n'avait pas assez déjà. Après, de toute façon, bientôt, il va falloir se désengager de Twitter, enfin devenu X, puisque ça va devenir payant, donc ils vont aller se faire voir. Hein. Eh bien, nous, on ira se faire voir dans un jeu télévisé, parce que je voudrais un peu qu'on revienne sur le jeu qui est arrivé mercredi. Squid Game ? Ouais, Squid Game, le jeu. Ah, dis donc, sacré jeu. Est-ce que quelqu'un a déjà regardé ? Ah bah j'ai regardé la série mais le jeu non. Non, alors le jeu est arrivé, les 5 premiers épisodes ont été mis en ligne donc avant-hier, les 4 suivants le seront le 29 novembre et le dernier, la finale, le 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas. Merci Manon. Alors ça fait débat ce concept de série-jeu. Moi j'ai hâte de voir quand même parce que c'est un vrai débat. Je pense que ça ressemblera plus à une télé-réalité. Oui, mais c'est quand même une télé-réalité, mais dans l'esprit, en gardant les codes du jeu. Sauf qu'évidemment, les gens... Les gens meurent pas. Hein. Encore heureux. Parce que là, ça serait vraiment un peu difficile. Mais voilà, il y a deux camps. Il y a le camp des gens qui trouvent ça nul. et les gens qui, le camp des gens qui trouvent ça plutôt intéressant. Dans le genre des, dans le camp des gens qui trouvent ça pas bien du tout, c'est en fait des gens qui ont adoré la série et qui remarquent eh bien que on retrouve tous les rouages de la série et on sait en fait comment le jeu se déroule et comment ça va se finir le jeu. Et c'est un peu ça, les premiers épisodes de Squid Game, et notamment les 5 premiers qui ont été mis en ligne mercredi. Et dans l'autre camp, on a ceux qui ont eu peut-être un peu la chance de voir, d'aller un peu jusqu'au bout. Et eux, ils ont tenu le coup. Et ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Et on sort un petit peu des, entre guillemets, du copier-coller du jeu, du, de la série. De la série. Au milieu des épisodes, et là ça devient un peu plus comme une série parce que c'est des choses un peu inattendues qui se passent. Et là donc ce qu'on pourrait un peu dire à ceux qui vont voir cette série jeu, eh bien c'est de tenir jusqu'au bout parce que finalement la fin réserve des surprises. Donc voilà ce que on peut dire sur Squid Games. Bon, Squid Game le jeu qu'on n'a pour l'instant pas visionné, aucun d'entre nous, mais je voulais qu'on en parle parce que je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, finalement. Oui, c'est vrai. Je pensais que ça allait faire le buzz, cette télé-réalité un petit peu particulière, spéciale. À partir du moment où t'avais cru que c'était la saison 2 carrément qui était sortie, c'est qu'on en a vraiment pas parlé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai cru que c'était saison 2. Et en fait, non, c'était. Mais c'est, la bande-annonce est super bien faite. Rappelez-vous, je vous l'ai passé il y a 3 semaines, un mois déjà de cela. Alors après, en ce moment, comme les plateformes sont en train d'augmenter les abonnements, peut-être que certains se désabonnent ou partent ailleurs. C'est peut-être ça le moment de flottement. Ou alors, les gens sont plus captés par la série que par le jeu. Oui, sans doute, sans doute. Les nouveautés qui arrivent actuellement sur Netflix bientôt, il y a une grosse nouveauté qui va arriver du côté des séries, c'est à la fin décembre, c'est Berlin. Alors Berlin, non pas Manon, la série sur la ville, mais sur Laurent. Sur le bateau. Non plus, sur un des personnages de la Casa des Papels. Ah, oh, joli vous deux en même temps. C'est sûr qu'on a beaucoup regardé la Casa des Papels. Surtout moi. Donc c'est le spin-off hein, tant attendu. Ils avaient dit qu'ils c'est vrai qu'ils en avaient parlé. Ils en parlaient sur TikTok. Et ils s'intéressent au passé de Berlin, l'un des personnages phares de la série. Mais il est pas mort ? Avant le plus grand casse de l'histoire. Alors à Paris, ce dernier monte une équipe pour un cambriolage particulièrement ambitieux. Alors, est-ce qu'il n'est pas mort, Laurent répond à cette question. Eh bien, en fait, il est mort, mais la série sera un préquel. Ah, ok, très bien. Autre série attendue en décembre. Alors, c'est un K-drama. Je sais que K-drama, pardon. Je sais que tu es très fan de ce genre de série, Manon. Je regarde, on va dire. Et ce sera La Créature de Kyong Song, qui se déroule en 1945, alors que Séoul et la Corée sont encore colonisés par le Japon. Alors qu'ils luttent déjà pour leur survie, Jang, Tae Tsang et Han Song-yeng vont devoir affronter une créature horrifique qui les feront se questionner sur la nature de l'humanité. C'est pas beau tout ça ? Hein ? Et c'est magnifique. À ne pas rater, donc. Et puis, bien sûr, on aura la saison finale de 14 décembre de The Crow, la deuxième partie, puisque la première partie de cette saison finale a déjà été diffusée à partir de fin octobre. Voilà ce qu'on pouvait dire de ces nouvelles sorties. Et une transition toute facile, je vous propose un titre qui va faire un gros carton. Vous savez que je suis fan de Michael Jackson. Et voici Jungkook. Alors Jungkook, on le connaît, hein, c'est pour faire ma transition avec la série dont je parlais. C'est un Coréen qui va partir à l'armée, il fait partie des BTS. Il était un des seuls à ne pas encore être parti. Un des seuls, non, ils étaient encore... Il y en a 3 qui sont partis à l'armée, il en restait 4 qui ne sont pas partis à l'armée. Ils vont partir à l'armée prochainement. Jungkook vient de sortir un album. Jungkook est un jeune garçon talentueux qui sait faire plein de choses. Écoutez-moi cette chanson. Ça s'appelle Standing Next to You. on a l'impression que Michael Jackson est de retour. Standing next to you, c'était Jungkook, un des sept de BTS, que chacun fait une petite carrière solo pendant que certains sont à l'armée. Et donc Jungkook va bientôt partir à l'armée, il vient de sortir un album que je vous conseille. C'est un touche-à-tout, il sait tout faire. Et là, j'ai pris une claque quand j'ai découvert ce morceau, parce que on disait souvent, je ne sais pas si vous vous rappelez Bruno Mars, comment il chante et tout. On a dit à un moment donné que Bruno Mars, dans certaines de ses chansons, ça faisait très Michael Jackson. Ouais. Mais alors là, ce titre-là, on a l'impression que c'est les Jackson 5 qui ressortent de terre. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et je vous invite à aller regarder le clip parce que bien sûr, on savait que les BTS savaient danser, hein, mais là en plus, il nous a fait un clip aux petits oignons où il danse évidemment. Et franchement, ce jeune qui doit avoir une vingtaine d'années, 22, 23 ans, c'est incroyable les talents que ces Coréens ont. Est-ce qu'ils vont durer longtemps? Mais en tout cas, et j'ai d'ailleurs vu sur Amazon Prime un concert d'eux, c'est phénoménal, c'est fabuleux, c'est franchement. Oui, c'est comme si on a l'impression que un concert de Michael Jackson avec des danses, des chorégraphies, de la scénographie, des feux d'artifice, c'est incroyable. Donc je vous conseille, si vous avez Amazon, d'aller regarder ce concert des BTS, le dernier concert qui est d'ailleurs qui a été mis en ligne il y a très peu de temps sur Amazon Prime, et de découvrir cet artiste solo et cet album qui vient de sortir, qui est très diversifié et dont cette chanson est le nouveau single de Jungkook un peu partout dans le monde et on va à mon avis entendre parler. Alors moi je suis sans voix. Ah, moi c'est incroyable. Quoi. C'est quand même assez. Alors voilà. je suis impatient de découvrir le clip parce que le titre. Alors lui sa voix c'est vrai qu'elle se rapproche de Michael, mais alors au niveau orchestration c'est. Ah oui, c'est du haut niveau. Hein. C'est du son un peu des années 80 de l'album Thriller. Oui, oui. On aurait très bien pu trouver ce titre là sur l'album Thriller par exemple. Oui, de oui Michael non, mais c'est tellement bien produit que. Et un peu remasterisé quand même. On sent qu'il y a le. Oui, il y a la patte le son des années 2023. Voilà, il y a la patte actuelle 2020, ouais, franchement c'est parfait. Allez, notre petit palais avec nos petites bandes annonces comme on a l'habitude. Et voilà, et quand on faut battre le mal par le mal, je vous parle d'une série qui s'appelle Tout va bien. Bienvenue au palais. Pour une émission qui s'appelle Ça ira mieux demain. C'est normal. Une bonne annonce qui s'appelle Tout va bien, c'est une suite logique. C'est une suite logique, effectivement. Alors. J'ai pas vu encore, voilà, c'est français. Alors bon, les séries françaises, des fois, voilà, on y va doucement, c'est mais pas que des fois, mais sûrement. On est en train de regarder Irrésistible quand même, hein, avec oui. Manon. Ça se regarde. On aurait envie un peu d'accélérer. Hein. C'est pas Master Crime, mais bon, c'est voilà. C'est pas Master Crime, c'est voilà, avec Camilla c'est Jordana. C'est long, quoi, c'est du français. C'est Camilla Jordana qui joue très bien, mais voilà, c'est le problème. Des séries françaises, c'est qu'on adorerait avoir une dynamo et puis hop, un petit fois deux là, un ça. Petit, voilà, un petit fois deux, un petit fois trois, bon, on peut le faire. Hein. Oui. On l'a fait avec une série coréenne d'ailleurs quand vous avez. Oh, c'est encore pire les Coréens. Ça c'est quand oh même. Là là. On vous avait survendu. C'était quelle série maintenant qu'on avait un peu survendu? Je sais plus du tout. C'était un prénom. Non, moi j'avais bien aimé au final. Alors la série était très très bien, mais voilà, on l'a passé en accéléré. Soyez ouais. honnête. Alors moi j'ai regardé il y a 3-4 mois une série coréenne. Qui se passait sur la lune, une base lunaire machin qui ne répond plus, ils envoient une équipe mais alors celle-là dantesque hein. Normalement une deuxième saison devrait arriver, moi j'attends ça avec impatience. Alors c'est sûr que c'est peut-être comme chez nous, on a des séries en haut du panier et il y en a qui sont en bas. Moi je sais que celle que j'ai regardée voilà la mission de sauvetage pour la base lunaire c'est assez surprenant. Alors, là, on va parler d'autre chose, puisque c'est la série « Tout va bien ». Alors, comment une famille ordinaire traverse-t-elle les joies et les peines de l'existence ? La créatrice de « Tout va bien », Camille de Castelnau, s'est inspirée de son expérience personnelle pour raconter l'histoire des Vasseurs, une tribu comme toutes les autres face aux événements de la vie. En première ligne, un magnifique duo de sœurs, Marion la discrète, avec Sarah Giraudeau et Claire la magmatique, Virginie et Fira, bien sûr. Ensemble, ils vont devoir gérer le caractère parfois envahissant de leur mère, Anne, jouée par Nicole Garcia, autrice d'un best-seller sur la pensée positive qui répète sans cesse que « Tout va bien !» !»« Tout va bien !» Bravo ! Leur frère Vincent, un steward dévoué à son travail qui fuit la réalité en multipliant les vols long courriers et les aventures d'un soir. Quant au père, Pascal, joué par Bernard Lecoq, il est autant déboussolé par les événements que par ses émotions qu'il peine à gérer. Dans la série Tout va bien, on s'aime, on s'agace, on se dispute pour mieux se prendre par la main quand il faut affronter un moment difficile. Et en cœur, vous me dites... Tout va bien. Ah oui, c'est... Non, d'accord, mais je... 1, 2, 3, tout va bien. Non, mais ça vous fait pas penser à quelque chose? La famille formidable. Voilà, c'est ça. Ça, ils nous refont une famille. Il y a même Bernard Lecoq hein, qui refait un peu écouter cette bande-annonce. On écoute la bande-annonce, on écoute cette histoire que l'on dit fascinante. Hein. Tout va bien, mais ça fait quand même un peu penser à une famille formidable. Vous êtes en colère et angoissé. Comment réagissent vos parents ? Mon père, il est dans son monde. J'ai l'impression que mort, je peux de nouveau être utile. Ma mère... Anne Vasseur. Elle est gourou, ma mère. Eh oui, être heureux, ça s'apprend. Le pire, c'est que ça fait 35 ans que les gens achètent ses livres, l'adorent. Pas vous ? Non. Je suis là pour ma fille. Mais rien du tout, un hein, bobo. On va décorer la chambre de greffe pour que l'environnement soit un peu plus familier. Tu vois la niche? Oui. Tu vas le battre, hein? Tout va bien se passer. Ça va bien se passer, tu sais. Ça va bien se passer, tu vas voir. Maman dit que tout va bien se passer et que c'est une épreuve qui va tous nous rendre plus forts. C'est vrai? Vous avez pas de portable? Pourquoi? Pour me sentir libre. Et ça marche? Pas du tout. Elle est en train de s'enfermer dans une espèce de déni. J'ai compris. Ça, j'ai compris. Moi, j'aimerais bien la rencontrer, ta nièce. Un peu, quelquefois. Non, pas trop. Comme d'habitude, tu penses qu'à ta gueule. Mais ça va, je fais ce que je peux. Je lui achète un meuble dans chaque aéroport. Qu'est-ce que tu peux être angoissée? J'angoisse tellement, et sans raison, on dirait que tu voudrais qu'un malheur arrive. C'est un bordel, cette famille. Ça va sinon? Oh, mais... très bien, ma chérie, très bien. Je peux arrêter de me poser la question. Tout va bien. Voilà, c'est une famille formidable, cette famille Vasseur. En tout cas, c'est sur Disney Plus depuis le 15 novembre. Et voilà, si Manon, tu as envie de regarder une petite série française, ça pourrait être ça. Mais il faut... c'est pas facile de la convaincre à regarder du français, Manon. Hein. C'est clair. C'est pas facile. C'est clair, bah oui, on... Tout va bien. Tout va bien. Si tu veux, j'ai une bonne série des années 70 qui s'appelle Les 400 coups de Virginie. Je connais pas du tout. Ah bah tu vas apprécier. C'est pas tout jeune. Hein. Allez, une autre série pour terminer, mais alors là, ça pourrait plaire évidemment à Manon, c'est sûr. Hein. J'ai pas fait ce choix pour elle, mais quand même. Voici Echo, la saison 1. Alors, qui est Echo, Manon? Tu la connais, Manon, Echo? Echo, économie, ça me fait penser à la SES, mais non, pas du tout. Mais non, la prochaine série Marvel sur Disney Plus sera centrée sur Echo. Echo que l'on a découvert pour la première fois. Plus, tu m'en as parlé. Dans Echo. Aokiwi. Aoki. Aoki. Oh là là, Aoki. Je suis fatiguée. Aoki. Parce que c'est qui? Voilà, Aoki. Rappelez-vous, l'année dernière, en novembre dernier, Disney Plus nous faisait découvrir Aoki. Oui. Tu prends un accent, je sais pas pourquoi. Aoki. La fiction Aoki qui a été lancée en novembre 2021 sur Disney Plus, on découvrait la jeune Maya Lopez, alias Echo, qui va donc avoir droit à sa propre série solo. Et alors, de quoi ça parle donc, Echo? Eh bien, c'est... L'économie. Effectivement. Non, mais dans le synopsis de la série, Disney Plus précise que Echo renvoie aux origines du personnage de Maya Lopez, justement, dont le comportement implacable à New York la rattrape jusque dans sa ville natale, poursuivie par l'empire criminel de Wilson Fisk, que l'on avait vu d'un Hawkeye. Elle va devoir faire face à son passé, renouer avec ses origines amérindiennes et embrasser le sens de la famille et de la communauté. Et donc, ça sortira tout début janvier 2024, exactement le 10 janvier. Ne t'endors pas, Laurent, je t'en prie. C'est pas encore fini. Voici la bande-annonce Echo. Maya. Je sais très bien qui tu es. Je l'ai toujours su. N'aie pas peur. Tu portes une telle souffrance en toi. Une telle rage. Que tu ne peux pas les contenir. Come on. on est pareil. Alors, qui est le vrai monstre ? Qui est le vrai monstre ? Elle est très... On n'apprend rien dans cette bande-annonce. Elle est très, mais très angoissante et visuellement, elle est très bien faite. Ce dialogue entre Maya qui ne parle quasiment pas et ce monstre, justement, qui est le monstre ? C'est effectivement le Fink qui parle. C'est vraiment très terrible. Terrible à regarder donc sur Disney+, à partir du 10 janvier 2024. Et on se quitte avec Étienne Daho. On peut mettre Étienne Daho quand même ? Alors là, c'est toi le boss. Hein. Alors, on va se quitter. Moi, j'ai que 10 ans de radio. On dit au revoir. On dit au revoir à Manon, que nous retrouverons sur la semaine prochaine. On dit au revoir à Laurent, bien sûr. On dit au revoir, oui, à Benoît. Bon, merci. On lui souhaite une bonne semaine. Merci. Une meilleure semaine que celle-là. En tout cas, moi, je vous retrouve dans une demi-heure pour le Haut de 40. Et là, tout de suite, on se quitte avec Étienne Daho, le nouveau Étienne Daho qui est sorti aujourd'hui. Et on déclare ouvert la campagne, la saison de la saison des chansons de Noël. Je pensais que Laurent en glisserait une. Hein. On avait dit que voilà. C'était on, ouvert la semaine dernière. C'était déjà. oui, mais là Michel Sardou est arrivé. Voilà, donc Jimmy est arrivé. Donc la semaine prochaine, je vous le promets, un spécial Modern Talking avec deux chansons de Noël. On n'était pas obligé de passer. T'as déjà dit Jimmy Logue, non? Voici donc une nouvelle chanson inédite d'Étienne Daho, ça s'appelle Noël avec toi. Écoutez bien les paroles, il fait des petits jeux de mots, vraiment mignons comme tout. Étienne Daho, tiré de son nouvel album, voici Noël avec toi, à tout à l'heure. Bisous, bisous. Bisous. Avec toi. Noël avec toi. Prie en main. Bonne étoile, au fond du cœur une balle, tout là-bas, tes fenêtres, ta maison, dans les bois, Noël avec toi. Joyeux Noël, toute étincelle au ciel, le vin doux sous le gui et loup brûler encore d'un même feu et voir des larmes de joie dans tes yeux avec toi. Noël avec toi.